Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Mon invité du jour est un personnage haut en couleur, amoureux de sa Lorraine natale et auteur prolifique. J'ai le plaisir d'accueillir M. Marcel Cordier, qui vient nous parler aujourd'hui de son livre « Lorraine secrète et insolite », publié aux éditions du Sapin d'Or à Épinal. Bonjour M. Cordier. Bonjour Mona, bonjour tout le monde. Alors ma présentation étant un peu réductrice, pouvez-vous vous présenter, nous parler de vous ? Eh bien, oui, derrière moi j'ai 33 livres. Je suis né à Nancy en 1945 d'un père vosgien et enseignant et d'une mère franc-comtoise et mère au foyer, ancienne ouvrière. Donc une famille à la fois de paysans du côté paternel et ouvrière du côté maternel. Et donc, j'ai grandi à Nancy, je suis allé au lycée Poincaré où j'ai obtenu le baccalauréat, je suis passé à la fac de lettres. Ensuite, je me suis marié avec une fille du Pas-de-Calais rencontrée à La Baule. Nous avons eu deux enfants ensemble et nous avons quatre petits-enfants actuellement. Et donc, j'ai continué mes études à la fac de lettres de Lille, ville natale du général de Gaulle. Et puis, voilà, j'ai été enseignant. Et en même temps, j'ai écrit des livres qui sont aussi des livres qui se veulent des livres pédagogiques, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que je suis, mais ce que j'ai écrit. Alors, vous avez un rituel pour écrire ? Vous écrivez comment ? Ah, j'écris comment ? J'écris j'écris quand je peux, si je puis dire. Quand j'ai le temps, c'est-à-dire quand, autrefois, je suis en retraite depuis 2006, j'avais des élèves et donc des cours à préparer, des copies à corriger. Et donc, j'écrivais après. Et surtout pendant les vacances scolaires, là c'était sacré, les vacances scolaires étaient faites pour écrire. Maintenant j'ai plus de loisirs, mais pour des raisons de santé, je n'écris plus de livres, qu'on se le dise. Celui dont on va parler est le dernier, est vraiment le dernier des derniers. Mais je continue à écrire passablement d'articles. D'accord. Pour différents médias. D'accord. Des journaux ? Oui, des journaux. 54 hebdo pour parler de Nancy, l'Écho des Vosges en particulier, l'Ami hebdo pour la Moselle. Enfin, voilà. Oui, d'accord. Alors, en fait, vous avez une vie très, très riche en activités diverses. Alors, comment trouvez-vous le temps de mener de front toutes ces activités ? C'est le problème. En fait, cela nous oblige, mon épouse et moi, à ne pas trop prendre de loisirs, de vacances, de ne pas rencontrer tous les gens qu'on voudrait rencontrer, de retrouver des amis, etc., etc. C'est le métier d'écrivain, je l'ai toujours considéré comme un deuxième métier, le métier d'écrivain oblige à délaguer pas mal de choses. D'accord. Alors, vous êtes venu nous parler de votre livre, Lorraine secrète et insolite. Vous pouvez nous en parler ? Je peux vous en parler de manière générale. C'est un ouvrage qui se veut extrêmement sérieux et manière de le dire d'une manière un peu particulière, j'ai demandé à Claude Vanoni de le préfacer. Tout le monde le prend pour un grand rigolo, ce Claude Vanoni. Je vous assure que c'est un homme extrêmement cultivé, extrêmement sérieux, extrêmement sympathique. C'est pour ça que je lui ai demandé de préfacer cet ouvrage s'il le voulait. Et il l'a accepté d'emblée, après avoir lu le manuscrit. Et donc, j'ai rassemblé dans cet ouvrage un tas de connaissances que j'ai accumulées depuis une trentaine d'années. Des choses connues et moins connues, c'est assez extraordinaire. Par exemple, là en face, j'ai vu qu'il y avait Charles de Foucault, l'ensemble scolaire Charles de Foucault. C'est le centenaire de l'assassinat de Charles de Foucault dans cette Algérie que j'aime beaucoup. Et qui sait que Charles de Foucault est un demi-lorrain, un demi-vosgien par toute sa famille paternelle. Alors bien sûr, il est né à Strasbourg parce que son père avait épousé une Alsacienne, mais ce Strasbourgeois de naissance est un demi-lorrain. Et je tiens à rappeler un certain nombre de choses comme cela. Par exemple, que Marie-Antoinette était une demi-lorraine, etc. Oui, etc. C'est pas toujours su. Et Chopin, donc. Il est aussi de Milorin, celui-là. Oui. Voilà. Et sa maison natale a été rasée en 1982. La maison natale, pardon, de son père a été rasée à Marainville-sur-Madon en 1982. On s'est battu, je me suis battu, et voilà le résultat. Parce que un de mes objectifs, c'est le patrimoine. Et dans Lorraine secrète et insolite, j'ai accumulé les choses qui concernent notre patrimoine, à la fois géographique, historique, humain, etc. Oui, oui. Alors, c'est un livre foisonnant d'informations, d'illustrations et d'anecdotes. Ouais. Comment avez-vous récolté toutes ces données, en fait ? Bah, toutes ces données, je les ai accumulées au fil du temps. Ce matin, comme beaucoup de Lorrains, on a appris la mort de Jean-Pierre Coff. Oui. J'ai rencontré naguère Jean-Pierre Coff. On sait beaucoup de choses sur lui et je crois qu'il est nécessaire de rassembler ses connaissances sur cet homme né à Lunéville. Et donc, un Lorrain. Oui. Alors, vous avez une tendresse admirative pour certains personnages, mais vous avez aussi la plume acerbe pour en fustiger d'autres. Je suppose que vous ne vous êtes pas fait que des amis. Non, je ne cherche pas d'ailleurs à me faire que des amis. Non, je cherche à faire connaître ce qui me semble intéressant à connaître. Je pense tout d'un coup au général Mangin. C'est quand même assez extraordinaire. On fête cette année le centenaire de la bataille de Verdun, que tout le monde connaît. On va reparler de Pétain, le pseudo-vainqueur de Verdun. Je ne vais pas me faire que des amis, c'est déjà fait depuis longtemps. Je suis comme le maréchal Joffre, je ne suis pas du tout certain que ce soit Pétain le vainqueur de Verdun. Joffre considérait que c'était le général Mangin, aidé par Nivelle en 1916, qui est le vainqueur de Verdun. Je n'y peux rien et Joffre n'est pas un crétin. Et je crois qu'on peut partager la même opinion que lui. Et donc j'aimerais qu'on rappelle que Mangin, c'est tout de même un Lorrain de Sarrebourg. Il a sa statue à Sarrebourg, il a sa statue à Metz. Il en avait une naguère au Sénégal. Bref, je crois que c'est un personnage extrêmement intéressant. Et je le rappelle. D'accord. Avant de continuer, nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter Lily de Pierre Perret. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la... Alors nous sommes toujours avec Monsieur Cordier. C'est important pour vous le devoir de mémoire ? Le devoir de mémoire, oui, et le devoir d'accueil des immigrés aussi, puisqu'on vient d'entendre parler de Lydie par Pierre Perret. C'est tout de même important de le rappeler. D'ailleurs, des immigrés ont fait la richesse de la Lorraine depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Mais le devoir de mémoire des Lorrains aussi, c'est important. Là, c'est important aussi qu'ils soient Lorrains de souche, qu'ils soient Lorrains d'adoption, qu'ils soient demi-Lorrains aussi, je le rappelle de temps en temps. On a des grands demi-Lorrains qu'il est bon de rappeler, oui. Et donc, j'ai déterré un certain nombre de ces Lorrains. Quand je dis déterré, c'est au sens figuré, bien sûr. Je pense à deux personnages qui me paraissent très importants. Louis Guingaud, l'inventeur de la tenue léopard en 1914, tenue léopard qu'on peut voir au musée Lorrain à Nancy, et qui était un excellent artiste peintre, un excellent décorateur, et qui est un des fondateurs de l'école de Nancy. Et puis, Marie Marvin, que j'ai connue à la fin de sa vie. En 1983, j'ai commencé des recherches sur elle. J'ai découvert que depuis sa mort en 1963, donc pendant 20 ans, on n'avait plus parlé d'elle, nulle part, et surtout pas dans sa ville d'adoption, Nancy. Elle habitait Place Carrière depuis 1889. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai joint mes recherches à celles d'une Américaine qui voulait écrire aussi un livre sur Marie Marvin, qui avait fait des études à Nancy et qui avait entendu parler de Marie Marvin et qui était étonnée qu'il n'y ait rien qui rappelle la mémoire de Marie Marvin à Nancy, et en particulier, pas une rue, rien. Oui, oui. Donc, on l'a déterrée. Oui, oui. Alors, il y a l'histoire avec sa bicyclette. Ah bah actuellement il y a un petit problème, c'est que depuis que le musée d'Amnéville du vélo et de la moto a été fermé au mois d'août dernier, eh bien la bicyclette qu'on y avait déposée avec le comité Marie Marvin, eh bien est en panne là-bas, si je puis dire. Bon, elle reviendra à Nancy. On a déjà trouvé depuis un moment un lieu adéquat pour la présenter et donc rappeler au Lorrain, la mémoire de Marie Marvin à travers cette bicyclette. Oui, oui, bien sûr. Peu de personnes savent que c'est elle qui a inventé la jupe culotte, en fait. Hein. Et oui, elle a inventé la jupe culotte. Si elle avait déposé un brevet, elle aurait fait fortune. Elle est morte dans la misère, d'ailleurs, comme son ami Louis Guingaud, l'inventeur de la tenue léopard. C'est des gens qui étaient complètement désintéressés et qui ne pensait véritablement qu'aux autres. Et donc, elle a inventé la jupe culotte, c'est quand même plus pratique pour faire de l'alpinisme, bien sûr. Elle a inventé surtout l'aviation sanitaire, qui a été utilisée en 14-18, qui a été utilisée encore, comme le précisait le général Bijard, en Algérie et en Indochine. Et puis, pour le folklore, elle ne manquait pas d'humour. Elle a inventé le ski métallique pour faire du ski dans les dunes du désert chez son ami Lyotet, en particulier au Maroc. On a des photos, on a des documents. Et le prototype de ces skis se trouve ou se trouvait, je ne sais pas ce qu'est devenu ce musée, le musée du ski à Voiron en Isère, dont M. Rossignol a été le promoteur. Alors donc, vous militez pour la reconnaissance de Laura tombée dans l'oubli. Ça ne doit pas être facile, j'imagine. Et non, ce n'est pas facile, je vous assure. Bon, par exemple, en ce moment, les tombes de la famille du maréchal Ney, que tout le monde connaît, bien sûr, le brave des braves, qui a sa statue à Metz, etc., les tombes de ses ancêtres à Gerville-la-Malgrange sont abandonnées, vont sans doute être rasées si personne ne s'en occupe, mais je connais au moins une dame qui s'en occupe ardemment. Non, il n'y a pas de raison de raser les tombes, en particulier des parents du maréchal Ney. Oui, oui, bien sûr. Et donc, vous dites que les Lorrains ne savent pas se vendre. Alors, pour quelle raison, à votre avis ? Ah, je ne sais pas. C'est une modestie coupable, j'allais dire. Peut-être d'origine judéo-chrétienne, je n'en sais rien. Il faut être humble, etc., etc. Oui, non, ils ne savent pas se vendre, c'est clair, dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine humain, patrimonial, mais dans le domaine économique, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas la même chose. Je crois qu'il faut savoir se vendre, savoir connaître, faire connaître nos richesses. On a des richesses extraordinaires dans de nombreux domaines artistiques, cinématographiques, etc. Je crois que là, il y a un effort à faire, et en particulier nos décideurs. Cette année, c'est le 50e anniversaire de la mort d'André Breton, connu dans le monde entier, le pape du surréalisme. Eh bien, c'est un demi-lorrain dont toute la famille paternelle est de la région de Charmes dans les Vosges. Son père est né à Vincé. Bien sûr, André Breton est né dans le département de l'Orne parce que son père était gendarme et qu'il a été muté là-bas. Mais enfin, quoi, c'est un demi-lorrain que tout le monde connaît, qu'on ne honore pas en Lorraine, et pas plus à Vincé qu'ailleurs. C'est quand même incroyable. Oui, oui. Mais bon, je pense que peu de gens savent que le père d'André Breton était Lorrain. Moi-même, je ne le savais pas. Pourtant, je connais un peu l'œuvre de... eh oui. de cet auteur. Donc, c'est vrai que j'étais très, très surprise d'apprendre que certaines personnalités avaient des parents lorrains. Oui, oui, dernièrement, avec Fernando Arrabal, que j'ai rencontré à Nancy, on en a parlé. Lui-même ne savait pas qu'il était un demi-lorrain. Son ami André Breton, qui a fait connaître Frédéric Kahlo, par exemple, en France, et j'allais dire un petit peu beaucoup dans le monde entier. Non, on est, je ne sais pas, je me demande si on n'est pas quand même un peu ingrat. Est-ce parce qu'on a eu beaucoup d'ennemis qui nous sont tombés sur le crâne au cours des siècles? Mais j'ai vécu un moment dans le nord de la France, dans le département du Nord. Là-bas, ils n'ont pas grand-chose, mais la moindre chose qu'ils ont, eh bien, ils la font connaître. Il y a une autre mentalité. Pourtant, Dieu sait s'ils ont connu les invasions aussi. Alors donc, en lisant votre livre, moi qui me pique de connaître un peu la Lorraine, j'ai quand même découvert des sites aussi, des sites extraordinaires. Eh oui. C'est un des buts de cet ouvrage, justement, de faire connaître d'abord aux Lorrains ce qu'ils ont chez eux, pas loin de chez eux, et qui est quelquefois formidable. J'ai un faible, tout le monde le sait, pour le Honnec. Le Honnec est un site extraordinaire, tout ce secteur des Hauts-de-Vosges, mais il y a aussi, je pense, à des secteurs meusiens qui sont aussi formidables, toute l'Argonne, par exemple, qui a eu un rôle important dans l'histoire de France, et pas seulement par l'arrestation de Louis XVI à Varennes en Argonne. Mais on a des très beaux paysages, même ceux qui sont marqués par la guerre et que la nature a repris. Je crois que là aussi, c'est important, surtout en 2016, un siècle après la bataille de Verdun, de redécouvrir ces sites militaires, ces sites sacrés par le sang qui a coulé, le sang des amis et des ennemis. Bref, je crois qu'il ne faut pas passer son temps devant Internet ou devant sa télévision. Bon, je vais défendre le livre quand même, de manière générale. Il est fondamental de lire, mais il est fondamental aussi de voir pour savoir, de voir sur le terrain. Oui, c'est vrai. Vous parlez de la petite église et des fresques de Siligny. Je les ai vues il y a quelques années. C'est vrai que c'est formidable. Oh là là. Je suis sûre que peu de gens les connaissent. Oui, il faut aller à Siligny. C'est dans la vallée de la Seille. Oui, c'est pas loin de Coin-sur-Seille, où est enterré un académicien français qui s'appelle Curel, que tout le monde a oublié, qui était un auteur de théâtre très intéressant, qui l'est toujours d'ailleurs. Et le château de Coin-sur-Seille a été largement détruit par la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut aller voir ces fresques extraordinaires de Siligny. C'est la Sixtine de notre Lorraine, pas de problème. C'est tout à fait. Alors je suppose que vous n'avez pas aimé la réforme des régions. Je crois que c'est encore une imbécilité, pour ne pas dire une connerie. Je crois qu'avant de réformer par le haut, on ferait mieux de réformer par le bas. Et je milite depuis longtemps pour la suppression des petites communes. On ne s'y attaque pas. On fait des intercommunalités, etc., etc. Plutôt intercommunautés. Enfin, peu importe le mot. Mais à quoi rime un village de moins de 100 habitants qui a un maire et 6 élus? Enfin, quoi, c'est quoi ça? C'est le Moyen-Âge. À la limite, bon, donc commençons par réformer par le bas, supprimons les petites communes et montons les étages. La même chose au niveau de l'enseignement, c'est pas l'université qu'il faut réformer, c'est vraiment la maternelle et le primaire. Il faut commencer par les choses qui méritent vraiment le plus de se battre. Alors donc, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la Lorraine, et notamment « La Lorraine des écrivains », ouvrage préfacé par François Nourricier quand même, et publié aussi aux éditions du Sapin d'Or d'Épinal. Pouvez-vous nous parler de ce livre aussi? Alors, la préface de François Nourricier, c'est lui qui m'a proposé d'ailleurs de faire cette préface quand il a su que je m'attaquais à ce sujet. François Nourricier est un demi-lorrain, il faut le rappeler. Son père est d'Avaucourt. Son père a bombardé le village d'Avaucourt lors de la Première Guerre mondiale. Enfin, il a eu ordre de le bombarder, son village natal. François Nourricier est revenu en Meuse, est revenu en Lorraine assez souvent. Bref, c'est un grand demi-lorrain lui aussi. Et donc, cet ouvrage parle de tous les écrivains qui ont parlé de la Lorraine, qu'ils soient lorrains ou pas lorrains. Je pense par exemple à Verlaine qui est né à Metz, mais il y a aussi Montaigne qui a parlé de la Lorraine, il y a Voltaire qui a parlé de la Lorraine et qui ne sont pas des Lorrains. Et je cite chaque fois, après avoir rapidement résumé leur vie et leur œuvre, je cite toujours un texte plus ou moins long de ces écrivains qui parle de la Lorraine. Je pense aussi au père Duval, par exemple, qui est un grand Vosgien et un grand poète. Bref, surtout ce qui m'a demandé du travail matériel, si je puis dire, c'est de faire pour un groupe d'écrivains un petit schéma qui permet en une demi-journée de joindre différents endroits qui ont été chantés par ces écrivains. Oui, ça fait donc des petites promenades très sympathiques, en fait. C'est tout à fait. Mon but, c'était de faire découvrir aux gens, ces écrivains, leurs textes et les paysages qui ont inspiré ce texte, les paysages ou les maisons, les demeures, les châteaux, etc., les sources, les vallons. Bref, la Lorraine a été chantée par de nombreux écrivains, sans parler évidemment de notre immense demi-lorrain qui est Victor Hugo. Son père est né à Nancy, faut-il le rappeler. Quand j'interrogeais à l'oral du bac de français à l'école, au lycée Jeanne d'Arc, des élèves qui avaient un texte de Victor Hugo dans leur liste, je leur demandais toujours ce qu'ils savaient de Victor Hugo. Bon, en tout cas, ils ne savaient pas que leur père était né à quelques pas de la place Stanislas. C'est quand même un peu honteux. Là, j'en veux quelque peu à mes collègues d'avoir supprimé de leur enseignement souvent la biographie de ces écrivains importants dont ils parlent. Mais enfin, on voit quand même la plaque quand on se promène rue des Maréchaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut lever la tête. Voilà, mais souvent, faut lever. Oui. Souvent, les plaques sont. Oui, c'est comme ça. Je pense à Bertin aussi, rue Gambetta. Il faut lever le nez pour savoir qui est Bertin. Oui. Voilà, dont la réputation est immense, même au Japon. Bon, bref. Alors, vous pouvez nous parler de votre actualité et de vos projets ? Alors, mon projet, c'est de ne plus écrire de livres, je le répète. Mon projet, c'est d'essayer de durer et surtout, à travers des articles, de faire connaître encore un certain nombre de choses à mes lecteurs. Je crois qu'il faut toujours enfoncer le clou de la culture, de la bonne culture, de la culture lorraine. Il faut que les Lorrains défendent la Lorraine. Ce n'est pas les Gascons qui vont le faire. Il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas demander à n'importe qui. Mais inaugurer la rue des Roses ou la rue, je ne sais pas moi, Saint-Exupéry, Saint-Exupéry, tout le monde le connaît. Donc, on ferait mieux de célébrer des gens qui ne sont pas célébrés. Je pense au professeur Maubeuge, tout de même le découvreur du pétrole au pied de la colline de Sion. Oui. Est-ce qu'il a une rue quelque part dans sa Lorraine ou dans cette cité de Malzéville où il a habité très longtemps ? Bon, il n'est pas né à Nancy. D'ailleurs, j'ai écrit au maire de Saint-Clément, je n'ai pas eu de réponse. Hein. Bon. C'est quand même incroyable. Il y a de l'ignorance, de l'ingratitude, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication, je ne suis pas un sociologue, mais sans doute qu'un sociologue aurait une explication sur cette négligence coupable de nos élus pour célébrer des Lorrains liés à leur terroir. Ah oui, c'est vrai. Alors que vous, qui avez été longtemps enseignant, quels conseils pourriez-vous donner à la jeunesse d'aujourd'hui ? La jeunesse d'aujourd'hui, le premier conseil que je leur donnais, c'est de savoir lire, écrire et compter. C'est de lire le plus possible, de suivre les conseils de leurs bons enseignants. Il y en a quand même beaucoup, on a beau dire, souvent extrêmement dévoués. Je crois qu'il faut faire attention aux moyens modernes dont ils sont fans. Je crois qu'il faut apprendre à penser par soi-même. Je crois qu'il faut apprendre à lire ce que l'on ne lirait peut-être pas d'instinct, si vous voulez. La bande dessinée, je n'ai rien contre. Il y a d'excellentes bandes dessinées. Il y a d'excellents chanteurs. Je pense à MC Solar. Mais il y en a d'autres qu'il faut savoir écouter ou réécouter. On entendait Pierre Perret tout à l'heure. On va entendre le dernier CD de Renaud bientôt. Je crois qu'il s'agit là de poètes extrêmement importants qui ont beaucoup de choses à nous dire, à nous redire, et en particulier aux plus jeunes. Oui, oui. C'est vrai qu'on ne dira jamais assez qu'il faut lire. Exact. Alors, quelle est l'action qui vous a le plus coûté et dont vous êtes aujourd'hui le plus fier ? Alors, sur la durée, si vous voulez, les deux dont je parlais tout à l'heure, Louis Guingaud et Marie Marvin. Mais sur un laps de temps assez court, ce qui m'a paru le plus important, et on a fondé une association à ce propos, c'est quand, en 1983, on a appris que le presbytère de Saint-Pierre-Fourier, à Matincourt, à côté de Mirecourt, allait être transformé en discothèque gay, G-A-Y, avec peut-être un E au bout, je ne sais plus. Mais c'était un gentil scandale, avec la bénédiction du maire de l'époque. Donc on m'a prévenu que ce presbytère commençait à être transformé, on a créé une association, je me suis battu, j'ai pris des coups, par deux fois, on m'a vraiment tabassé. Finalement, grâce à Jacques Lang, qui était ministre de la Culture à l'époque, natif de Mirecourt, comme Pierre Fourier, on a pu faire arrêter les travaux, avec le tribunal administratif bien sûr, on a pu sauver ce presbytère dont une partie du musée en particulier avait été incendiée en février 84. Et depuis décembre 84, le presbytère est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques grâce à l'action que j'ai menée comme président de cette association. Ouais, c'est pas toujours facile d'aller au combat. Dans la même période, on a essayé de sauver aussi la maison natale du père de Chopin. Je vous l'ai dit, au bord du Madon d'ailleurs, comme Mirecourt et Matincourt. On n'a pas réussi. Là, la maison a été rasée et remplacée par un merveilleux chef-d'œuvre du XXe siècle, un hangar métallique extraordinaire. Ouais. Ben, vous parlez aussi de la maison de Cugnot. La maison de Cugnot, c'est quand même extraordinaire. Grâce à M. Longuet, sénateur de la Meuse actuel, grâce à M. Longuet, elle a été rasée pour construire la poste. C'était très important. Dans une petite bourgade comme Voix-Vacon, de raser la poste quasi centrale du village, la maison de Cugnot, l'inventeur de l'automobile. S'il avait été américain, celui-là, on le connaîtrait partout dans le monde, mais il était lorrain. Et donc, la maison de Cugnot a été rasée, on a construit une poste. Pendant longtemps, il n'y a rien eu qui indiquait que là se trouvait la maison de Cugnot. Maintenant, il y a une stèle. Je ne sais pas ce qu'est devenue la plaque qui se trouvait sur la maison de Cugnot. Elle a peut-être été récupérée par la mairie. Bref, et j'ai appris, il y a peu de temps, qu'une association cherchait un lieu pour faire un musée Cugnot. Oui, c'est vrai. C'était drôle. Là, là. Bon, écoutez, on pourrait encore parler pendant très très longtemps avec vous, mais le temps s'écoule très très vite. Alors, je vous remercie, Monsieur Cordier, d'être venu nous parler de vos livres, et puis j'espère vous recevoir une autre fois. Quand vous voudrez. Alors, au revoir à tous et à bientôt.